Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Gilles Alma. Salut Souf, j'espère que ça va. Ça va, merci et toi? Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, écoute, on est là tous les deux en amoureux, il se passe des trucs, voilà quoi. On s'est mis dans les toilettes pour enregistrer ça. On voulait partager un peu cette intimité avec tout le monde là. Écoute, moi j'ai une anecdote d'amour, puisque c'est le thème de ton spectacle. Non, c'est notre thème à tous les deux. Ah oui. C'est notre thème à tous les deux. J'ai un truc où à un moment je demande aux gens, j'aborde le thème du mariage, tu vois, et je demande aux gens, s'il y a des gens qui sont mariés et tout, et je demande est-ce qu'il y a des gens qui veulent se marier. Et j'ai eu deux fois des personnes qui sont, enfin, je les ai fait monter sur scène pour faire une vraie demande en mariage parce que c'était, tu vois, c'était un peu. C'était beau quand même. C'était, mais tu vois, c'était pas déclaré. Et j'ai eu deux belles demandes en mariage sur scène, filmées, machinées. C'est beau ça. Et voilà, et je suis assez fier de ça, et c'était un beau moment. Ça s'est finalisé ou pas les mariages? Bien sûr. J'imagine que tu as été invité. Bien sûr, les gens m'ont invité. Tout, alors je pouvais pas parce que je bossais. D'accord. Mais j'ai eu les photos, les trucs et tout. C'est et mignon, voilà, petit dédicace, cool, je leur ai fait les vidéos pour leur mariage, bien sûr. D'accord. Et voilà, c'était un beau petit moment. C'est sympa, c'est bien ça. Punaise, un humoriste comme ça qui finalement a déclenché des mariages, quoi. Bah ouais, tu vois. C'est cool. Ouais, le mec lève la main et là je vois la fille à côté, une des deux fois. Et je vois la fille toute rouge à côté, mais tu vois, toute rouge, mais... T'avais peur qu'elle dise non, quoi? Non, toute rouge, mais j'ai vu dans l'œil que c'était génial, quoi. Ah, et d'accord. Donc je les ai chopés, je dis, bah écoute, si t'as pas. C'est la surprise pour ta vas-y, femme. Vas-y, fais le maintenant. Mon régisseur m'a envoyé une petite, je crois que c'était le Titanic, une bonne petite musique, et c'était Tipa. Cool. Ouais. Et t'as jamais eu, vraiment jamais, quelqu'un qui a dit genre moi, et la femme à côté fait non ou oui? Ouais. Ah oui, j'ai eu des levées de main, et l'autre a fait non. L'autre, elle baisse la main. Et souvent, c'est la meuf qui lève la main, et le mec qui fait... Et là, tu sens... Mais après, le mec, je le taille un peu, je lui dis, bah écoute, mon spectacle dure encore à peu près, c'est pas 50 tu minutes. Tu peux revenir avec une autre. À tout moment, t'hésites pas, tu vois. Ah d'accord, non, je pensais que t'allais lui dire, genre, je repasse dans le coin, tu peux revenir avec la prochaine. Non, je fais pas ça devant la meuf, hein. Non. En tout cas, c'était génial. Merci, c'est vrai que c'est original. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, t'as un site internet? Écoute, j'ai mon site, Gilles Alma, G-I-L-A-L-M-A. Et puis voilà, un peu partout dans toute la France. Je finis la tournée au mois de mai. Et puis après, j'attaque un duo avec Benoît Joubert. Eh bien, génial. Ben, d'ailleurs, Benoît Joubert qui était dans l'épisode juste avant. Ah, et, cool. Ça fait plaisir. Il nous avait annoncé ça en exclusivité. Et ça fait plaisir de voir que c'est pas un mytho. Voilà, c'est cool. Voilà, c'est ça. Non, mais franchement, j'ai hâte de voir ça parce que je connais un peu vos deux univers. Et je pense que le mélange va être excellent. On va essayer de faire un truc sympa. On va pas rater ça, c'est sûr. On va se marier. Ben merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie, merci à toi. Avec grand plaisir. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. N'hésitez pas à laisser une note sur 5 étoiles et une critique sur Apple Podcast. Abonnez-vous, parlez-en autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.